Elle s'appelait Dominique ou bien Frédéric. Un nom de fille quoi, souvenir d'enfance, balançoire, jeu de bois. Un souvenir qui remonte, un rêve froid. Je l'avais revu il y a 10 ans à la fac de droit. Dominique le roi, Dominique le roi, Dominique le roi. Oui, c'est bien toi. Des messages de condoléances, on pensera toujours à toi, on pensera toujours à toi, Dominique le roi, Dominique le roi, Dominique le roi, Dominique le roi. Ouais, ouais. Dominique le roi, Dominique le roi.